Bonjour, bonsoir à tous ceux qui écoutent cette émission dédiée au 7ème art, une émission déjà culte. Il est 22h, vous écoutez Krypton. Magneto, Jolan. Nom de Dieu. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On est venu, on l'a vu, il a eu un truc. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Tu crois que je sais pas m'envoyer en l'air? Le monde se divise en deux catégories. Eh, vous chier de me répondre, c'est une espèce de pétasse. Ah merde, alors comment on dit la merde alors? Tout à l'heure, noir. La séance va commencer avec Krypton. Décryptons ensemble l'univers magique, engagé, hilarant, sombre, intrigant, angoissant du cinéma. Jusqu'à 23h, on se fait une toile sur Indestar. Pour ce podcast, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Idriss, Teddy et Jolan. Comment ça va ce soir, les gars? Très bien. Eh ben bien. Ça va et toi? Bon, ça va nickel. On termine la semaine tranquillement. Ouais. Ouais. Vous avez passé une bonne semaine, en fait? Ouais. Oui. Petit week-end qui s'annonce. Ouais. Ah ouais? Vraiment. Tranquillou avant la reprise. Exactement. Ouais, c'est vrai, parce que vous étiez en vacances. Oui. Les gens d'Escape, l'école de cinéma de Tours. Absolument, absolument. Tu fais la promo pour nous maintenant? Je vais faire un peu de promo. C'est quoi? Je vais faire la promo pour les PK Avengers jeudi soir. On a fait la spéciale. Il y avait la spéciale hier. Et la semaine prochaine, je sais pas encore, c'est normal. C'est pas une histoire, c'est la semaine prochaine. Quoi, ça a encore un truc? Non, c'est normal. Encore c'est une spéciale. Normal. C'est normal. Ok. Ouais. On va souffler un peu. Avant de commencer, je vous demandais. Quel est le dernier film que vous avez vu là, cette semaine? Oula. Ah. Hunger Games 2. À part le film dont on va parler ce soir, hein, s'il y a un film. Moi, Pulp Fiction, il y a 2 jours. Ok. Ouais. D'accord. Teddy. Moi, j'ai vu un film, alors c'est un manga, ça compte? Oui, c'est un animé. Ouais, c'est un animé, effectivement. Neo Genesis Evangelion, une genre de fin alternative, je crois. Ah. Faut connaître, je c'est pense. C'est pas le manga où t'avais rien compris, non? Si. Mais du coup, je l'ai re-regardé pour essayer de re-comprendre. Eh ben c'était pas un franc succès, mais... Ah, t'as toujours pas capté? Non. Mince. Très compliqué. Cherche-toi une petite vidéo YouTube explicative, tu vois. Ouais, voilà. Je crois pas que ça existe. Donc ça dure combien de temps? Il durait 1h37, je crois. C'est un petit film assez court, vu qu'en gros, il y a la série d'animé. Et il y a plusieurs films après aussi, tu sais. Il y en a 2. Ouais. De Néon Genesis Evangelion. Il y en a 2 ou 3? Normalement, il y en a que 2. Tiens, enfin, mais tu l'as vu? J'ai vu un des deux, en tout cas. Ah. Et t'as vu la série ou pas? J'ai commencé, j'ai pas fini. D'accord. Okay. Parce que du coup, c'est vers la fin que ça devient compliqué. Au début, ça va, tout est. Oui, c'est cool. Les anges, tout va bien, et puis c'est vrai que ça devient bizarre à la fin. Oui. Mais je vous invite à regarder la Neo Genesis. Parce que... Ceux qui sont fans, en tout cas. Et ceux qui ont envie de rien comprendre. Je vais commencer à regarder, je pense. C'est chaud à la fin. Toi, Idriss, c'est quoi le. Moi, c'était Hunger Games 2 hier soir, c'était sympathique. T'as pas québécois? Ouais, avec le doublage québécois. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai vu un tweet qui m'a dit mais c'est vrai que c'était une super adaptation, elle était bien fidèle et tout. Et moi qui avais adoré le livre, ça t'a donné envie de le revoir. Ça m'a donné envie de le revoir et de profiter, et c'était un bon moment. Mmh. Voilà. T'as chassé le caribou dans les forêts du Canada. c'est caribou. Katniss après les Québécois. J'aimerais bien faire un petit point. Il faut faire attention aux films qu'on regarde. Ah oui, tu nous en diras plus tout à l'heure. Ouais. Bah pour ma part, moi, c'était Papillon, un film de 73 réalisé par Franklin Schaffner, qui a aussi réalisé La planète des singes en 68. Ah, d'accord. Donc là, c'est un super beau film adapté. Est-ce que ça parle de Papillon? Eh oui, ça parle de Papillon, mais c'est avec. Qui va te plaire, ça. Ouais, encore une fois. Ouais, c'est avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. Et Steve McQueen est accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et il est envoyé sur une île de Guyane. Dans laquelle avec il va essayer. Des papillons géants? Non, en fait, la référence du papillon, c'est le fait qu'il se l'est tatoué. Il a un papillon tatoué sur le torse. Oh, c'est tout. C'est pas compliqué. Et à un moment donné, aussi sur l'île, ils vont chasser des papillons. Mais des papillons taille normale? Beaucoup de papillons. Ah, c'est pas drôle. Mais des papillons normaux. Parce que faut savoir, il y en a, ils font plus de 30 cm de. Ah, je crois qu'il y en a un de. Petite phobie des papillons par ici. Ah, une petite phobie des papillons, effectivement. Ah bon. On en parlera plus tard. Ouais. Ça aussi. Pour l'instant, on va écouter une musique. Ouais. Et avec la bande-annonce du film de ce soir qui va suivre. Ah ouais. Voilà. Donc à tout de suite et bonne bande-annonce. Ce sera vraiment une première. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Fantastique. C'était un casse impossible. La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade. Exactement. Tu as sûrement une combine, Danny. C'est quoi? Tu prépares un casse, avoue-le. Tu es un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Il vous faudra une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Qui vous comptez prendre? Mais ces types-là, sont assez cinglés. Il faudra au moins 12 mecs à divers postes de confiance. Quelqu'un peut essayer de traduire. Je t'expliquerai plus tard. Pour réussir. On a demandé à docteur. Le coup du siècle. Toutes les félicitations. Vous êtes un homme mort. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt et Julia Roberts. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas le faire? Par le réalisateur primé aux Oscars pour Traffic et Erin Brockovich. Le vainqueur, c'est la banque. Ta seule chance, c'est la main parfaite à condition de faire une belle mise. Et là, tu fais sauter la banque. T'as répété ce speech, avoue-le. Oui, un peu. Je me suis peut-être précipité. Non, t'as été génial. Ocean's Eleven. Tu joues ou tu passes? Eh bien, je joue. Et nous aussi, ce soir, on va jouer. Ah. Oui. Donc, là, c'était la bande-annonce d'Ocean Eleven, sortie en 2001, réalisée par Steven Soderbergh. Mais avant, on a entendu Anna Free qui chantait Telling Story, un cover, reprise de Tracy Chapman. Oui. Voilà. Que tu connais en plus. Oui, que je connais. Bah, je connais personnellement. Pas perso, mais j'aime bien l'écouter, elle a une belle voix aussi. Voilà, donc avant de commencer, mais je dédie cet épisode à Frank Sinatra. Donc qui, enfin, je sais, ça va être Idriss qui va nous résumer un peu le film de ce soir. Alors, nous t'écoutons. Alors, après avoir entendu la petite bande-annonce, hein, l'homme qu'on a entendu, c'est Danny Ocean qui vient de sortir de prison et qui met en route son projet donc de cambrioler trois grands casinos à Las Vegas. Ça y a et pas donc, servi de leçon la prison. Enfin, ah non, en non, fait, non, il a non, pas non, été inculpé. Il veut y retourner. Ah, d'accord. Et donc en même temps, il cherche à reconquérir son ex-femme, donc Tess. Et pour ça, il va mettre sur pied une fine équipe avec certains, on va dire des loustiques, hein. Ouais, qui ont chacun leur spécialité. Exactement, et qui vont l'aider dans sa sainte quête qui est de s'enrichir, de briser le capital, voilà. Ouais. Merci, Bess, c'était un très très beau résumé. Merci, Idriss. Avant qu'on continue et que je me tourne vers vous, comme je fais d'habitude, c'est de parler du doublage. Et donc pour commencer, c'est Samuel Labarthe qui donne sa voix à George Clooney. Il est sa voix française officielle, mais il prête aussi sa voix à Liam Neeson, notamment dans Star Wars, le premier épisode. Et Samuel Labarthe est notamment connu depuis 2013 pour son rôle du commissaire Swan Lawrence dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusé sur France 2. Série, ma foi, fort sympathique et que j'aime regarder en famille. Une très belle mise en scène. Ouais. D'accord. Et puis bon, bah, il est aussi bon acteur que sa voix. Oui, c'est vrai. Oui. Ensuite, bah, pour Brad Pitt, on a Jean-Pierre Michel, qui est sa voix régulière dans plus de 25 films, comme dans Snatch, Inglorious Bastards ou Once Upon a Time in Hollywood, dernier en date. Oui. Et Jean-Pierre Michel est aussi le doubleur de Keanu Reeves, comme dans Matrix, ou ainsi que Ethan Hawke dans Bienvenue à Gattaca en 97. Ils font des voix quand même assez impressionnantes, oui. On s'en rend pas compte. Hein, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que quand tu fais attention, Keanu Reeves et Brad Pitt, bah, c'est le même doubleur. Mais voilà, ils peuvent modifier un peu leur voix. Ouais, ils changent leur timbre de voix. C'est vrai que là, tout de suite, ça vient de me. Tu regardes Away Met en ce moment? Oui. Quand ils réalisent quelque chose, ils ont un bruit de verre qui se brise dans le grain. Je viens d'avoir ça pour les deux voix, exactement. Je viens de réaliser que les deux voix étaient les mêmes. D'accord. Ça vient de me taper après 20 ans d'existence. Il n'y a pas un bouton, c'est pas faux pour ça. Après, on a Damien Boisseau qui est la voix française de Matt Damon dans plus de 40 longs métrages comme Will Hunting, Seul sur Mars ou encore Le Mans 66 qui est sorti l'année dernière. Ah, voilà. On en parlait. Mais c'est aussi Damien Boisseau, c'est aussi la voix de. Edward Norton. Tu m'en as parlé tout à l'heure en off. Non. Je vois toujours pas qui c'est lui. Non. Edward Norton, American Fight History Club. X, Fight Club. Et le dernier en date, c'est l'affaire Brooklyn, The Motherless Brooklyn. D'accord. Okay, ouais. Il interprète un gars qui a énormément de toc. Il le joue très bien. Et enfin, pour terminer ma chronique sur le doublage français, celle qui a retenu mon attention, c'est Céline Monsara, qui est la voix française de Julia Roberts dans plus de 30 longs métrages comme Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet en 91, réalisé par Steven Spielberg. Oui. Erin Brockovich, sortie en 2000, réalisée par Steven Soderbergh. Elle est aussi la doubleuse de Léa Thompson dans la trilogie de Retour vers le futur, car elle donne sa voix au personnage de Lorraine McFly, la mère de Marty. D'accord. Ouais. Mais dans le genre de l'animation, elle est très connue également pour être la voix de Bulma dans la saga Dragon Ball. Mmh. Donc ça, je sais que ça te fera plaisir. Bah ouais. Elle est aussi la Schtroumpfette dans Les Schtroumpfs, Anastasia dans le film du même nom, Dory dans Le Monde de Nemo et dans la suite Le Monde de Dory, et elle est la maman gourou dans Winnie l'ourson. Excellent. Ah, ça je connais. Incroyable. Et... voilà. C'est tout pour moi. Quel palmarès. Oui. Moi j'ai une question. Vas-y. Dans les Ocean's Eleven, il y a un acteur qui joue aussi dans les films Marvel. Il joue Captain Rhodes. Oui, Don Cheadle. Mm-hmm. Ouais. Oui, et son doubleur c'est Lucien Jean-Baptiste. D'accord. Ok, ouais. C'est tout pour moi. Ok. Je l'aime bien. Et Lucien Jean-Baptiste, vous pouvez l'entendre aussi, puisqu'il donne sa voix à Donald Faison qui joue Christopher Torque dans la série Scrubs. D'accord. Voilà, et wow. Lucien Jean-Baptiste, dernièrement, il a rencontré le dernier qu'il a doublé, c'est Martin Lawrence dans Bad Boys for Life. D'accord. Ouais. Ah oui, effectivement. Lui aussi, il a fait des trucs. Ouais. D'accord. Et il l'a rencontré en personne, j'ai vu une interview et c'était chaleureux, j'aime bien. Maintenant, je vais vous demander, je me tourne vers vous. La séquence du film qui vous a marqué. Donc t'as dit je viendrai sur toi en dernier et on expliquera pourquoi finalement. Ok, donc je me tourne vers toi Idriss et j'aimerais que tu me parles de la scène qui t'a plu. C'est la fameuse séquence où en quittant le casino ils ont interverti les rôles, ils sont passés sous les uniformes du Red ou du SWAT, qu'ils s'évadent brillamment après leur casse. C'est le moment un peu clé où tu te rends compte que ça y est, ils ont un peu mis tout le monde dans le vent, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on entend la voix de Brad Pitt qui est au téléphone avec Terry Benedict et on entend que c'est sa voix, mais Terry Benedict croit qu'il parle au commandant des SWAT. Oui, c'est moche. Et nous, on reconnaît la voix un peu de Brad Pitt. Et donc, on s'attend un peu à ce qui va se passer. Et j'aime beaucoup les moments charnières comme ça dans les films. Finalement, t'as le retournement de situation. Exactement, que ce soit Usual Suspect ou Seven, ou voilà, c'est vraiment le genre. Exactement, ce genre de moment que j'adore, même si parfois j'ai tendance un petit peu à deviner et je me gâche le plaisir. Ah, merde. Genre c'est arrivé vraiment beaucoup de fois que je me gâche le plaisir. Tu réfléchis un peu trop et je me gâche le twist parce que je le devine. Mais sixième bon, sens, tu l'as vu venir? Non, parce qu'on me l'avait spoilé avant. Qui est cette personne que je retrouve? Karim Debbache. Oui, j'ai regardé Chroma avant de voir un sixième sens. Ah oui, non, c'était pas forcément la chose à faire. Mauvaise idée, certes. Mais il a pas fait un alerte spoil? Non, il en a parlé comme ça, tranquillement. Okay. Bon, comme il a l'habitude. C'est vraiment pas de bol. Malheureusement. Bah, en fait, il est déjà mort. Oh, alerte spoiler. Je vois déjà. Oui. Jolan, pour toi, la scène qui t'a moi, marqué? Moi, la scène qui m'a marqué, c'est justement ce que je te disais en off, c'est à la fin. C'est quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas marqué Bellaccio. C'est la scène qui a été enregistrée. Ils se sont enregistrés en train de cambrioler son coffre-fort. Et le moment où ils commencent à faire plein de déductions, ils se disent, oh, les enfoirés quand même. Mm-hmm. Cette scène-là, elle est pas mal en vrai. Aussi. Ouais, c'est vrai. Pas de bol. Allez. Et toi, Galen? Bah là, ouais, j'allais venir, c'est juste une blague à la fin du film où finalement, bah, t'as Danny Ocean qui sort de prison encore une fois à la fin et il est en costume de marié. Et là, on retrouve Brad Pitt qui est encore en train de manger. Donc là, il mange un burger. Je vous expliquerai pourquoi c'est drôle, le fait qu'il mange tout le temps. Et Brad Pitt lui lance j'espère que c'est toi qui faisais le marié. Oui. Et Danny lui rétorque que les Bee Gees voudraient récupérer leur chemise parce qu'il a une chemise des années 70, quoi. Très Bee Gees. Voilà, une scène qui m'a fait rire. D'accord. Voilà. Maintenant, j'en reviens à toi, Teddy. Scène qui t'a marqué, mais qui n'est pas dans Ocean Eleven, mais qui est présente dans Ocean 12. Je me suis trompé en fait en regardant le film, j'ai dû regarder effectivement le 2. C'est mauvais, Jack. Tellement bien placé. Yes. Ouais, c'est vrai, je suis mauvais. C'est mauvais. Du coup, je sais pas si je dois faire un petit synopsis du 2 ou pas. Non, c'est la suite. Bah, moi, je l'avais fait. Tout simplement, ils doivent rembourser Terry Benedict. Voilà, ils doivent le rembourser, ils vont se retrouver en compétition avec un autre voleur qui s'appelle Renard de la Nuit. Qui est interprété par Vincent Cassel. Voilà. Et la scène préférée que j'aime dans ce film-là, ça va être justement ce renard, ce Vincent Cassel, en fait, qui doit passer dans un musée. Il y a une salle avec des lasers. Oui. Et ils expliquent qu'il y a des déplacements aléatoires, du coup ils peuvent pas prédire, il n'y a pas de programme, ils peuvent pas inventer une séquence pour passer ce truc. Du coup, bah, Vincent Cassel il va à la Wall Again, il fait des mouvements de capoeira pour passer. Et moi, mon œil d'expert. Ton œil de lynx. C'est ça, l'a tout de suite remarqué, je me suis dit, mais non, il fait de la capoeira. Et si Vincent Cassel fait de la capoeira pour éviter des lasers. Ouais, sur la musique de Thé à la menthe, de La Caution. C'est ce que tu m'as dit. Très rythmé. Effectivement, ouais, ça donnait plutôt bien et franchement, j'ai kiffé voir ça dans un film. Comme quoi, la capoeira, ça sert. De... oui, parce qu'on peut faire danser sa copine et combattre quelqu'un en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, normalement, ensuite, on passe généralement à l'influence qu'a le film sur nous, mais là, j'ai décidé de faire autre chose. Et on va passer juste à... Est-ce qu'il y a un autre film de braquage qui vous a plu ? On va rester sur les films de braquage. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet. Mais... J'en vois pas beaucoup des films de braquage en vrai. Mais il y en a quand même que j'ai. Celui dont tu m'as parlé, il est très bien. Ouais, franchement, j'aime bien parce qu'en plus, ça fait un peu de magie et tout ça. Oui. Insaisissable. Now You See Me. Oui. Dans son titre original. Dans son titre original. Et du coup, alors je connais pas le nom des acteurs, à part Morgan Freeman, je sais qui est dedans. Il y a Jesse Eisenberg, Michael Caine, Woody Harrelson. Et voilà. Le frère Franco. Le frère de James Franco. Je l'ai pas. Dave Franco. Peut-être. Je crois. Oui. Toujours compter sur Gaëlan. Oui, effectivement. Je sens que c'est ça. On se fie à toi. Voilà. Et il y a un petit caméo français de la part de José Garcia. Ah bon ? Oui. Tu sais où ils demandent à un invité de venir se placer dans le centre et ils vont le téléporter à Paris. Oui. Dans une banque à Paris. C'est vrai. Et c'est José Garcia. Ah d'accord. Ah oui. J'ai pas tilté. C'est vrai. Mais ouais. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce film de. Et il y a Mark Ruffalo, pardon. Oui, ah bah oui. Oh, l'enquêteur. Le grand Mark Ruffalo. Il est important. Oui. Bah ouais, mais plutôt. Plus qu'important. Ouais. Ouais. Le 2 aussi, qui est bien aussi, je trouve. Ouais. Pour le coup, les deux sont bien. Mm. Voilà. On voit c'est là-dedans, on voit le frère jumeau de Woody Harrelson, non ? Avec des cheveux. Mais on voit Daniel Radcliffe par contre. Oui, Daniel Radcliffe. Il faut que je le regarde aussi. On voit aussi. C'est, c'est le fils de Michael Caine, je crois, là-dedans. Il y a un monsieur qui est assez âgé qui joue le majordome de Batman dans la trilogie Dark Knight. Oui, Michael Caine. Ah, c'était lui ? Oui. Ah. Ok. Je connais pas son nom. C'est pas grave, mais je connais sa référence. C'est bien que tu l'aies. Ouais. Voilà. Alfred. Alfred. Idriss, toi, est-ce que t'as un film de braquage qui est en tête ? Moi, ce serait Hit. Ouais, de Michael Mann, sorti en 95. Exact. Et vraiment pour le côté, encore une fois, presque comme il est comme Oceans, on pourrait trouver ça presque réaliste. Mm-hmm. Et dans Hit, moi, ce qui m'a marqué, c'est les scènes de fusillade où tu regardes ça avec un bon casque et tu peux distinguer chaque son d'arme en fait de ouais. Toutes les armes de différents, ouais, le mixage genre est vraiment c'est extraordinaire. C'est quoi, donc Hit, donc la chaleur en anglais, c'est ça, avec Al Pacino et Robert De Niro, une scène finale poignante que j'aime beaucoup, un dernier face à face entre les deux personnages principaux, c'est vraiment le genre de film que j'aime. Voilà Hit. Toi, Jolan? Moi, c'était une nuit en enfer. Ouais. De Tarantino, justement. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais, avec. Non, je me semble pas que ça soit Tarantino. C'est pas Tarantino. Mais il est dedans. Il est dedans, Aux côtés de George Clooney, où ça tapasse des zombies. Ouais. Il me semble. Tarantino n'est pas que réalisateur, il est aussi acteur. Ah ouais, ouais. Il est aussi producteur. Dans beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de gens qui il fait des caméos. Hum? D'accord. Comment ? Il y a pas mal de films où il fait des caméos au final, Tarantino. Bah, dans ses propres films. Oui, oui. Mais oui, il en fait dans d'autres films, effectivement. Donc, moi, j'en ai retenu 4 qui m'ont plu. Tout d'abord, il y a Un après-midi de chien, réalisé par Sidney Lumet. Et Sidney Lumet, il a fait 12 hommes en colère. J'adore ce film. J'ai vu en filou. Donc, il est sorti en 75. Et donc, à Brooklyn, le 22 août 1972, il y a 3 hommes qui pénètrent dans une banque et qui braquent un fusil et des revolvers sur le directeur et ses employés, auxquels ils ordonnent d'ouvrir les coffres. Et donc, les deux autres, là, Sal et Sonny, découvrent avec consternation que le coffre ne contient rien du tout. Enfin, ça c'est moche. Peut-être $100, tu vois. Mais il est trop tard pour faire marche arrière et l'alerte est donnée, la banque est cernée par la police, les malfrats tentent de négocier leur liberté en s'en servant de leur otage. La vie s'organise à l'intérieur de la banque tandis que les caméras de télévision commencent à retransmettre les flashs réguliers. C'est très drôle parce que ça dure 2h10 et c'est un fait divers qui part pour faire ce film. Ouais, d'accord. Voilà. Donc tu veux dire que ça s'est réellement passé ? Oui, ça s'est réellement passé. Il y a tout un après-midi où il y a un braquage mais qui se passe mal. Et c'est avec Al Pacino et John Cazale. Oh. Mais c'est con, ils auraient presque pu se rendre au final vu qu'ils ont rien volé. J'avoue que oui, certes. Ils sont en fonction de finalement, ils ont demandé autre chose. Ouais. Ouais, le deuxième, c'est Point Break, qui est sorti en 91, qui dure 2 heures, avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Patrick Swayze. Et John Cazale. Exact. Voilà. Donc depuis plusieurs années, un gang de braqueurs de banque tient la police en échec. Et la police opère à l'abri des masques à l'effigie des présidents. Non, pardon, ces membres de braqueurs braquent avec des masques de présidents des États-Unis. Ah. Voilà. Et il y a Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI qui étudie le dossier et acquiert la certitude que les membres de la bande sont des surfeurs. LOL. Oui. Excellent. Ils sont vraiment surfeurs, oui. Je parie que non. Oui. Et comment ils le devinent, genre Parce qu'ils sont pissés de l'œuvre. Parce qu'en en fait, ils voient à travers le, une caméra de surveillance. À un moment donné, t'as un des serveurs qui baisse son froc et qui monte ses fesses. Ouais. Et qui voit une marque de bronzage et il sait reconnaître avec quoi, quelle crème il a pu mettre pour avoir ce bronzage. Enfin, c'est assez poussé et c'est pour ça qu'on se moque de lui. La déduction de Malan. Ouais. Sinon, le troisième, c'est Snatch de Guy Ritchie, sorti en 2000, 1h50. Que super, donc il y a Jason Statham et Brad Pitt. Pour revenir un peu au casting d'Ocean. Donc à Londres, Frankie, un petit malfrat, travaille pour le comte d'Avi, un juif américain. Et sur les ordres de celui-ci, il dérobe un énorme diamant, mais se fait aussitôt très habilement délester du précieux caillou afin de pouvoir le remettre à qui de droit. De leur côté, deux truands, le Turc et Tony, se lancent dans des combats de boxe truqués. Leur poulain Mickey, un gitan un peu fou, ne respecte pas les règles de la tricherie et met ses employeurs dans des sales draps. Trop fort Mickey. Ah, il a jamais rien respecté. Mickey, le One Punch Man des gitans. C'est exactement ça. Non, mais les ils sont sale gitan, hein, sans déconner. Ils sont très résistants. C'est incroyable. Voilà. Et le dernier film, bah, c'est Inside Man, réalisé par Spike Lee, sorti en 2006. Ça me tient un truc. Dalton Russell n'a peur de rien et encore moins de prendre en otage les clients d'une banque de Manhattan, le tout en plein jour. Ce voleur de génie s'introduit avec ses complices dans une agence bancaire contrôlée par le puissant Arthur Case. Donc il en a après Arthur Case, évidemment. Et on découvre pourquoi. Alors, il y a Olive Klein, Denzel Washington et Jodie Foster, avec un second rôle porté par Willem Dafoe. D'accord. J'ai pensé aussi. Alors c'est pas un film, c'est une série pour le coup, mais il y a une série qui est sortie sur Netflix qui parle de braquage. Casa de Papel. La Casa de Papel. Oui, la Casa de Papel. D'ailleurs, il y a la prochaine saison qui va bientôt sortir, je crois. Oui. Aucune idée, mais oui, ça sort bientôt. Ouais. Voilà, j'ai cette série en horreur. Je l'ai pas regardé. J'ai vu quelques épisodes. Oui, je t'ai regardé. Alors. Au début, je me suis laissé prendre au truc, et puis au final, le personnage de Tokyo est tellement insupportable, et en fait, j'ai développé une aversion pour la plupart des personnages qui ont tous un défaut majeur qui fait qu'ils sont parfois un peu... Sauf peut-être Nairobi, mais il me semble qu'elle se fait déglinguer, donc je me suis dit... Peut-être pas trop d'intérêt à continuer la série, donc voilà, j'ai tranquillement... Nairobi, c'est la capitale de un pays africain. Ah bon, en tout cas, le personnage, oui, se fait... Il a pris de cours, là, je crois. Ouais. Parce que chaque personnage a un nom de capitale. Mais Nairobi, enfin... Nairobi, c'est vrai, c'est un personnage d'Afrique, c'est un personnage n'importe quoi. Personnage féminin. Oui, d'accord. Mais c'est une ville d'Afrique. Sans doute. Je te crois sur pas. Ouais, c'est pas fou. C'est pas faux. Voilà. Bon, bah avant de passer à la suite, on va écouter une musique. Et... Lionel Cassu en plus. Ouais, tu connais ? Ouais, c'est Eat to My Face, ça passe assez souvent. C'est un titre phare d'Indestar. D'accord. Bon. Enfin le week-end, sortez les pop-corns, on vous offre le film. Krypton, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. J'en suis sûr, vous attendez vraiment la fin de la semaine pour écouter Krypton. Oui. Mais la peine de le cacher, hein, je le sais. En vrai, nous, on y participe déjà. Alors. On y participe, on le réécoute en podcast, on fait la totale. Moi, j'attends chaque participation impatiemment à chaque fois. Ouais. J'ai plaisir, merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut l'écouter en podcast? Et j'allais y venir. Vraiment perspicace. Vous pouvez aller réécouter sur le site www.indestar.fr. Ouais. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, @indestar, et sinon, Insta et Twitter. En live Twitch aussi. Et en live Twitch. Et puis ça arrive. On peut les retrouver sur Spotify également. C'est ça. Voilà, pour partager et réécouter une vingtaine de plateformes. C'est ça. Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud Music. Donc les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. On se fait de la com. N'hésitez pas à partager, évidemment. Mais sinon, là, on va passer à la rubrique que j'aime bien, c'est se mettre à la place des personnages. Et là, avec tous les personnages qu'il y a, ça va être assez cool. Je choisirai Brad Pitt. Ok. Non, mais alors, il faut savoir que les 11 de Ocean ont chacun leur spécialité. Danny, chef des opérations rusé et beau gosse. Rusty, second, cool, rusé et beau gosse qui mange tout le temps. Linus, le jeune pickpocket. Basher, expert en explosifs. Livingston, expert en informatique. Frank, pion qui infiltre le casino. Virgil et Turk, le duo comique. Yen, acrobate et contorsionniste. Ou Ruben, producteur de toute l'opération. Et quelle serait votre spécialité à vous et pourquoi? Oui, alors le duo comique, tu sais, c'est les frères Oui, mais je veux dire, ils sont drôles, mais ils servent à rien. En vrai, ouais. Bah, ils servent à faire diversion, finalement. Oui, oui, c'est aussi de la diversion comme Franck. Mais, alors, du coup, j'ai une petite question, parce que vu que j'ai vu que le 12, enfin le 2, et pas le 1, est-ce qu'il y a un petit chinois dans le 2 Est-ce que tu l'as cité là, non ou... Yen, c'est Yen, acrobate et contorsionniste. Ouais. Parce que lui, il parle pas un mot de français dans le film. Bah dans le premier, si. Ce que j'aime bien, c'est un peu comme Groot. C'est un peu comme Groot où tu sais, ils parlent puis ils comprennent ce qu'ils disent. Bah là, c'est pareil. J'adore ce genre de personnage. Alors, moi, je comprends rien. Alors qu'ils mettent aucun sous-titre pour que nous, en tant que spectateurs, on puisse comprendre. Mais le fait qu'ils parlent et que les autres disent oui, on t'a compris, bah c'est très drôle. Donc du coup, il est contorsionniste, c'est pas de la maltraitance envers. Non, il va bien. Parce que du coup, je savais pas qu'il était contorsionniste. À un moment donné, il parle français. À un moment donné, il l'oublie dans la banque et dit « Vous étiez où, putain ?» Ouais, je vais faire très mal l'accent. Ils l'ont mis dans un sac, dans le 2, et ils l'ont mis dans le bus, et ils ont perdu le bagage. Il est parti dans un autre... C'est horrible. C'est des choses qui arrivent. Je crois qu'il lui avait donné des barres chocolatées. Oui, ils avaient mis des chiffres, des bouteilles d'eau. Il n'a pas survécu, c'est bon. C'est pas de soucis. Et maintenant, c'est quand on se dit, oui... Mais parmi les spécialités que je viens de citer... Toi, ce serait laquelle Quelle tu choisirais? Alors, on t'appelle pour être dans une équipe de braquage. C'est quoi ta spécialité? Moi, je serais l'homme d'action. Du coup, je sais pas auquel ça s'adapte le plus. Brad Pitt. Ouais, je pense. Il joue Rusty. Ouais, je me vois bien en Rusty déjà, dragueur. Ça. Genre vraiment confiance en toi, tu sais ce que tu fais. C'est ça, je fonce dans le tas. Ouais. Ouais, j'aime bien. Okay. Ou alors peut-être Pickpocket aussi, j'aime bien côté. C'est tout un art. Hein. Ouais. Je suis plutôt doué là-dedans. Ouais. Bah, la première fois qu'on voit Linus, le jeune pickpocket, c'est quand Danny Ocean le suit et le voit dans le métro. Ouais. Et à un moment donné, t'as une secousse dans le métro et tu vois Linus qui arrive vraiment à choper un portefeuille dans la veste, dans une poche intérieure de veste d'un monsieur. Mais il voit rien. Ouais. Ouais, c'est beau. Moi, j'arrive pas à faire ça. Hein. Et puis, je m'entraîne pas. Et juste derrière, t'as Danny Ocean qui lui pique ce portefeuille et lui glisse une carte où il doit le retrouver. Et il l'attend, il fait bah alors, c'est à qui ce portefeuille? Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'il va être engagé. Très fort. Ouais. Idriss, quelle serait ta spécialité en tant que braqueur? En tant que braqueur, je serais plus celui qui s'occupe de la logistique informatique, tout ça. T'es à l'aise là-dedans? Bah, je préfère être derrière un écran, je fais plus confiance à mes doigts sur un clavier qu'à mon corps dans une conduite d'air en train de m'échapper du squat. Donc tu serais Livingston. Ouais, parce que concrètement, physiquement, je me fais pas tellement confiance. Hein, du haut de mes 60 kilos, je pense pas pouvoir emmener 2 millions en liquide sur mon dos, mais m'occuper de pirater les caméras après avoir appris savamment. Tu te sentirais pas en train d'infiltrer le casino en tant que... Non, à la limite, tu vois, pickpocket, c'est marrant parce que t'as un petit côté hop, mais dextérité de ouf. Ouais, dextérité, c'est vrai que j'ai fait un truc pas du tout, c'est pas visuel, mais oui, c'est vrai que le pickpocket a un côté un peu ninja, j'aime bien. Non, sinon, le PC, c'est safe. C'est ce qui te convient le mieux. Ouais, au moins tu peux t'enfuir loin avant que la police arrive si t'es sur ton ordinateur. Bah, en tout cas, si t'as les yeux sur les caméras. Oui, tu peux vérifier que t'es pas en train de te faire attraper par la police. Tu surveilles tout, donc faut vraiment qu'on te fasse confiance là-dessus. Hein. C'est pour ça. Non, ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'il se barre. Après, j'avoue, j'ai pas des bons yeux, donc ça se trouve, je serais juste mauvais. Je fais une migraine au bout d'une heure et demie, je prends un passe-fond, je vais dormir, et puis au final, j'abandonne le braquage. Bon, voilà. Oui, à l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Voilà. Jolan. Moi, c'est Linus, hein, le pickpocket. Ouais, vraiment, vous êtes tous pickpocket ce soir. Vous êtes des petits voleurs. Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de piquer des bonbons dans une boulangerie? Ça m'est déjà arrivé de m'entraîner à pickpocketer les gens et tout ça. De mon temps, on rentrait dans les épiceries, il n'y avait pas de caméra. Il y a un film là-dessus, ça s'appelle Diversion avec Will Smith et Margot Robbie. Qui est très très bien. Je l'ai vu, je crois. Moi, il m'a pas plu. Ah ouais? Non. Moi, j'aime bien les films comme ça. Will Smith, je suis pas obligé. Sinon, le fait qu'il l'entraîne à être une pickpocket, cette séquence, j'aime bien. D'accord. Ouais, j'aime bien aussi. Du coup, toi, jeune, tu t'es entraîné à pickpocket? Ah non, du tout, mais c'est le côté, comme disait Idriss, ninja, discrétion, ce genre de truc. Vous aimez pas vous exposer? Non. Moi, j'adore. Moi, je serais aussi comme Idriss, expert en informatique. parce que je suis vraiment à l'aise derrière un PC. En tant qu'acteur, je pense que je ferais foirer le truc. comme Virgil et Turk, mais eux ils sont très très bons puisqu'ils vont faire diversion, comme avec leur ballon. Mmh. À un moment donné, t'as l'un d'eux qui va livrer des ballons et ils vont se rentrer dedans exprès, tu vois. Mmh. Donc il va lâcher ses ballons et qui va cacher une caméra. Oui. C'est beau. Voilà, pendant un certain temps, histoire que les autres fassent leur casse. Enfin, c'est vrai que ça c'est le genre de truc. Ouais, c'est vrai. Genre, faut vraiment être bon et montrer qu'on est en colère à ce moment-là, je pense. Moi, je sais pas si je serais trop stressé, je pense. C'est vrai que ouais, soit être caché, soit être vraiment très très exposé, mais au point où on se doute pas que t'es dans le coup, quoi. Ouais, oui. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est cool, ça. Ouais, ça aussi je pourrais le faire en vrai. En fait, il y a plein de trucs, mais ça serait cool en vrai. Moi, je me vois pas chef. Je me vois pas expert en explosif parce que je suis tellement maladroit. Oui, tu fais péter toute l'équipe avant même d'être arrivé sur le truc. Tu passes sur un dodan, hop, il y a tout qui se déclenche. C'est fini. Déjà, j'ai peur avec un petit claque doigt, enfin, ou les petits pétards là. Donc, un explosif, non. Non, moi non plus, je vois pas expert en explosif parce que ça fait pas très cambriolage. Moi, je trouve ça fait cliché de fou sur moi expert en explosif. On n'utilise pas souvent des explosifs, ça fait trop boom. Ouais. Ça fait trop américain, quoi. Sinon, pour quelle raison voleriez-vous un casino? Par amour? Pour prouver que vous êtes le plus intelligent? Par vengeance? Ou bien vous êtes dans une sale situation et vous devez régler une grosse dette? Ou pour le fun et passer un bon moment avec les copains? Si on répond, c'est pas légal. Alors, en imaginant qu'on a les moyens de cambrioler pour quelle raison, toi, tu le ferais? Je pense que si j'étais dans ce genre de truc... Mais à la place de Danny Ocean. Ouais, ce serait comme lui, peut-être plus par amour ou pour montrer que je suis le plus intelligent. Bah, c'est ce par orgueil. Ouais. Hein. Orgueil, quand même. C'est ce qui fait quand même pas mal. Alors ça se rejoint après, c'est par luxure en fait, pour avoir de l'argent et tout ça, effectivement c'est tentant, puis aussi par le goût du risque. Putain. Ah, c'est pour ça, moi je peux me faire exposer sans peur. Attrapez-moi, la police, là. Ouais, c'est ça, moi j'aime m'exposer. Mais voilà, je suis un peu particulier quand même. D'accord, et toi Jolan? Moi ce serait pour le côté aussi vengeance et badass du fait de tiens, j'étais braqué alors que t'avais une super sécurité et tout. J'avoue. Ouais. T'es pas le plus intelligent de nous deux. Mais bon, ils se font quand même rattraper dans la suite de leurs aventures. Malheureusement. C'est vrai. Mais c'est vraiment pas de bol. Et toi, tu sais. Bah. Moi je trouve qu'en fait ils y arrivent. C'est tellement naturel dans le film. Mais je pense qu'ils doivent stresser énormément parce qu'il y a énormément d'enjeux. Celui qui joue le russe, il stresse à mort, le petit vieux, là, comment il s'appelle, là, Saul. Saul, ouais. Ouais. Ah, je l'ai pas évoqué ça dans le fait d'avoir une spécialité, mais lui, il s'infiltre, il joue un personnage. Il se fait passer pour quelqu'un de puissant et de très riche. D'accord. Et il demande à Teddy Benedict de lui garder des pierres précieuses dans une mallette. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ouais, du coup, ça aussi. C'est un leurre, non? Oui, c'est un leurre. Tu ferais ça aussi par orgueil? Non, par amour. Ouais. Ça marche bien. Je suis un grand romantique. C'est bizarre votre amour, quoi. Non mais écoute, allez cambrioler 3 casinos en même temps, t'imagines l'argent que c'est ça représente. C'est tentant. Derrière, bon, tu peux gâter des gens, quoi, voilà. Ouais, bien sûr. Tout sur mon compte. Ça kiffe. Mais qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent? Ça c'est une bonne question. Ça c'est la question. Moi, j'aurais plusieurs projets. Moi, j'ai investi dans Gaïlan. Dans moi? Ouais, moi, j'ai investi dans... Donc, vraiment, tu n'es pas obligé de mettre dedans. Ouais. Non, hey, oh, doucement, j'ai investi dans Gaïlan. Dans tous les projets de Gaïlan. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça aussi, on va dire, parce que Gaïlan, oui, effectivement. On pourrait déjà investir dans les projets qu'on a déjà actuellement. Genre là, effectivement. Dans une des stars, pourquoi pas? Ouais. Voilà. Et le SVA. On fait Level Up et le SVA, effectivement, notre association de cinéma, surtout. Audiovisuel. On fait des courts-métrages. Ouais, comme studio, ça, on achète une Alexa pour le SVA. C'est exactement. Pas mal, ouais. Puis à côté, moi, je ferais bien construire une école de ciné. Ah ouais, carrément. Pas, carrément. Pas à Tours. En Boisse. Allez. Là où qui est la radio, voilà. Ouais, ouais. Hop, voilà. Exactement. Je rachète le Clos Lucé. Oh, oui, carrément. Oh la vache. Moi, je m'achèterais bien un petit manoir reculé aussi. Est-ce que vous achèteriez quelque chose qui existe déjà comme Canal+ ou Netflix? Oui. Disney. Oui, bah oui. Ouais, je rachète Disney, moi, exactement. Je m'achèterais une place dans... T'es tranquille. Et puis, je mets 2 milliards sur le 2 rouge, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Bon, quand tu rachètes Disney. C'est un chiffre qui te porte dedans. Alors pas du tout, pas du tout. Écoute, on était dans Las Vegas, les casinos. Je me suis dit, jouer à la roulette. Ouais. Allez, 2 milliards. Hop, tapis. C'est ça. Jolan, t'es bon au jeu de cartes? Au blackjack, ouais. C'est vrai. Oh. D'accord. Chance. Faudra qu'on fasse une partie, un de ces quatre, même un blackjack ou un poker. Tu sais compter les cartes. La misère. Ah, je me débrouille, ça. Vous avez aucune chance. Est-ce que t'es comme Redman? Tu sais compter. Ah non, parce que là quand même. Hey, non. J'ai perdu que deux parties dans ma vie de poker. Ah, moi j'ai toujours gagné. J'aime pas le poker. Et je suis pas si bon que ça. Peut-être que tu bluffes là, non? Bah non, ah, mais je bluffe par contre pendant la partie. Non, c'est vrai, je bluffe pas du tout. Par contre, j'ai vraiment perdu que deux parties. Tu bluffes pas? Qui ne bluffe pas. C'est ça, transition. Ouais, ouais, Didier, c'est moi. Transition. Ah, je commence à faire des transitions. C'est pas fou. Tu fais des. Là, t'es dit. Ouais, c'est je crois que tu m'as pas demandé pour l'argent. Ce que je ah, pardon. Excuse-moi. Avant que. Toi, ouais. T'as pas d'argent. Non, mais en vrai, moi, j'aurais beaucoup d'argent comme ça. Certes, j'investirais dans mes projets bah, par Indestar, par exemple. Mais aussi, je ferais le tour du monde aussi, je pense. Ouais, ouais. Important de voyager. Quand même. Moi, je pense aussi, j'investirais de l'argent dans des SPA. Ah ouais. Je donnerai de l'argent pour que les animaux soient bien traités, ou même à une fondation qui existe. Après, ils ont déjà fait des calculs pour savoir à peu près ce que ça coûtait de mettre fin à la faim dans le monde ou des trucs comme ça. C'est des petites sommes, mais je pense qu'en dévalisant trois des plus grands casinos de Las Vegas, peut-être que ça se fait derrière. Ouais. Peut-être que ça se fait derrière. Je sais que des égoïstes. Derrière, tu changes le monde grâce à un petit vol. C'est pas dégueu aussi. Bah ouais. Petite idée. Comme ça. En attendant, on va écouter DJ Zebra qui, lui, exactement, ne change pas spatialement le monde, mais il change notre monde à nous. Qui ne bluffe pas. C'est ça, oui, il bluffe voilà, pas. Qui va nous interpréter Martial's Blood. 22h-23h, Krypton, votre émission ciné sur Indestar. Eh bien, j'aurais pas dit mieux. Effectivement. Et là, on se retrouve pour la chronique des anecdotes et des anecdotes croustillantes. Ou semi-croustillante. Dans nos vies ou dans le film? Non, dans le film qui englobe l'histoire de ce film. Et justement, au début de l'émission, j'ai fait la référence sur Brad Pitt qui n'arrête pas de manger durant tout le film et durant même toute la saga. C'est croustillant? Et c'est pour ça que c'est des anecdotes croustillantes. Parce qu'il mange des tapas, des burgers, sucettes, enfin, il mange tout le temps. D'accord. Vous avez fait attention à ça? Oui, j'avais fait attention. Ouais. D'ailleurs, ça m'a interloqué. J'ai fait mes papiers, il mange tout le temps. Ouais, donc, c'est lui-même qui a donné l'idée de ce trait de caractère comique à Steven Soderbergh, où un jour, il discutait et il parlait la bouche pleine. Genre, ils discutaient tous les deux et il arrêtait pas de manger aussi à ce moment-là. Et c'est dingue, comme il a beau manger, je pense qu'il fait du sport à côté, mais ouais, il ne grossit pas. Ouais, c'est normal ça. Donc sinon, le cadre obligeant pendant le tournage d'Ocean Eleven, le temps libre des acteurs a été facilement meublé par les tables de jeu d'un casino ou du casino. Bah oui, du coup, ouais. Donc si la palme du plus chanceux n'a toujours pas été attribuée, celle du plus gros loser revient sans conteste à George Clooney. Ouais, il a 25 mises de suite perdues au blackjack. Donc si un jour vous retrouvez face à George Clooney au blackjack, vous pouvez facilement, je pense, gagner. Je ne sais pas jouer au blackjack, je le tente. Le what else? Tu peux. Non. Tu peux le proposer un petit expresso. Pas de soucis. Pour le mettre bien. Voilà. Donc, il a fallu, pour ce tournage, obtenir l'accord des hôtels casinos, et ce n'est pas chose aisée pour le réalisateur et les équipes de cinéma n'étant tolérées en ces lieux qu'entre minuit et 6h du matin. Mais le producteur du film, Jerry Weintraub, donc producteur de la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir, la saga des Karate Kid des années 80 et bien sûr la saga des Ocean, parvint à dénouer la situation grâce à son expérience et à sa connaissance du milieu du jeu. Et cependant, il est à noter que tous les décors du film ne sont pas exclusivement ceux du Bellagio, car la suite du Mirador a été construite en studio, mais l'effet de réel a bluffé jusqu'au technicien du tournage, puisque l'un d'eux s'est surpris à vouloir téléphoner en cuisine pour passer une commande. Voilà. C'est vrai, c'est un studio de cinéma, mince alors. C'est dommage. Ah oui, c'est donc cool. Ne vous laissez pas avoir si un jour vous êtes sur un plateau ultra réaliste. Mais du coup, ça va être dur quand même pour l'équipe de tournage de tourner entre que minuit et 6 heures. Ils l'ont fait quand même. T'es obligé. Oui. Tu peux pas faire parce autrement, demander une dérogation. Ça, des législations ça, pour ça faire prend les du temps. Ouais. Ouais. D'accord. Mmh. Donc, aussi, Steven Soderbergh, grand cinéaste, grand cinéphile, il s'est souvenu de ses classiques et a appelé les frères Malois, donc Virgil et Turk. Le duo de comique. Voilà, c'est ça, le duo comique. Donc, ils ont appelé Virgil et Turk en référence au personnage de Virgil Turk, entre guillemets, Salonzo dans Le Parrain. D'accord. Voilà. Et parmi les clins d'œil que Steven Soderbergh fait à l'inconnu de Las Vegas, aussi de Lewis Milestone, on peut noter la présence à l'écran du Desert Inn, le casino de Las Vegas ayant servi de décor à la version de 1960. Et cependant, on peut voir l'immeuble dans le film. On peut voir cet immeuble dans Ocean Eleven, car c'est au spectacle de sa démolition que le spectateur est invité à assister. Assiste à la destruction de cet immeuble dans la Mecque. On en a parlé en off tout à l'heure, mais L'Inconnu de Las Vegas, c'est un film qui est sorti il y a beaucoup avant, bien avant les Ocean Eleven. Oui. Et c'est un remake, comment dire ? Ocean Eleven, c'est un remake. Oui. Voilà, c'est ça. Le premier est sorti en 1960 et Danny Ocean est interprété par Frank Sinatra. C'est pour ça que tu es dédié. Et c'est pour ça que je lui dédie. Exactement. Et donc, pour Ocean Eleven, Steven Soderbergh a pioché quelques têtes d'affiche au sein de la famille de Friends. Donc je parle de la série. Car au générique du film, il y a quelques-uns des guest stars de la célèbre série télé. Donc Brad Pitt, par exemple. Il a joué. Il déteste Rachel avec Ross. C'est trop beau. Il y a Julia Roberts aussi, ex-paranoïaque et vengeresse de Chandler. Ah, c'est elle qui joue. Oh putain, je l'ai pas reconnue. C'est elle, dans l'un des épisodes de la série. Et sans oublier Elliot Gould, qui joue dans Ocean Eleven. Il fait Ruben, le vieux avec ses grosses lunettes. Ah, oui. Et Elliot Gould, il joue Jack Geller, père à l'écran de Courtney Cox, et David Schwimmer, alias Monica et Ross. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, je me disais que j'avais vu quelque part. Mais moi, Ruben, par contre, ça me fait penser tu me dis Ruben, ça me fait penser au chien dans la patte patrouille. Je connais pas du tout. C'est un dessin animé pour enfants. Ah ouais, tu as un enfant et moi, je ne regarde pas ce genre de dessin. C'est vrai. Tu me dis Ruben, moi, je pense direct à un petit bulldog jaune. Je suis en construction, mais ça perturbe. C'est vraiment les enfants, ça, ensuite. Hein, Ouais. Ouais, mais attends, il a toute la collection des chiens. Hein, il les a toutes en peluche. Excellent. Attention. Excellent. Est-ce que c'est une chance ? Je sais pas. C'est mais pas, plus tard, ça, est-ce que... C'est éphémère, tout ça. On va savoir. Ça se trouve, il les collectionnera et tout. Il sera un grand fanatique des patatouilles. Ça va valoir beaucoup. Peut-être qu'il pourra retirer un peu d'argent. Ça va, ouais. S'il n'a pas assez d'argent, il engage une équipe. C'est pour braquer le Moulin Rouge. Je sais pas. Non, le magasin de jouets le plus proche. Toys R Us. C'est ça. Alors déjà qu'ils sont en faillite, Toys R Us, c'est vraiment pas le moment. Non, c'est pas Toys R Us. Quoique... les magasins de jouets en général, de toute façon ça marche moins bien. Bah ouais, parce que maintenant. Bah il y a internet maintenant. On veut des tablettes. C'est ça. Et des ouais, ça coûte beaucoup trop cher. Oui. Et ça se trouve pas des magasins de jouets, donc faut aller braquer des casinos pour acheter des tablettes. Exactement. Bon voilà, en tout cas vous en savez autant que moi maintenant. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous êtes déjà allé dans un casino? Jamais. Moi j'y suis jamais. Moi non plus. Jamais. Non, jamais. Une question. Et toi, Joël? Ouais, à La Rochelle. Ouais. Il y a un grand casino. C'est comment? C'est impressionnant et ça fait. Il y a beaucoup de. Gens. Beaucoup de gens. Il faut pas être. Comment dire. Comment on appelle ça? Agoraphobe. Il faut pas avoir peur de la foule. Ouais. Et il y a beaucoup de bruit en fait. Il faut arriver à se repérer. Sans indiscrétion, t'as perdu combien? J'y ai pas joué. Ah merde! J'avais pas joué à la roulette. J'avais pas l'âge légal. J'étais sûr. J'étais accompagné, en fait, j'étais mineur à l'époque et j'avais un ami qui avait 20 ans, du coup il m'a accompagné. Et du coup il a perdu? Non, on a pas joué, on a juste fait. On a visité le casino puis on est ressorti. D'accord. Oh, on peut rentrer comme ça. Ouais. Toi t'en as visité un ou tu... Non, jamais. Ouais. Ça m'intéresse pas parce que je sais que si je rentre dans un jeu d'argent après. Ouais, tu ressors pas. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, tu restes aux machines là. Bah ouais. Des sous. Je connais ma chance légendaire du coup. Je sais que je serais tenté une de. Une chance de cocu. Je suis même plus cocu à ce stade. Je sais pas ce que je fais. Cocufier. Moi je crois que j'ai jamais eu l'occasion parce que j'ai jamais été trop en vacances près d'un endroit où il y avait un casino ou même habité près d'un casino. Donc il me semble pas que. Il faut pas confondre avec les supermarkets. Oui, effectivement. En tant qu'étudiant, on va faire nos courses chez Casino, mais on ne joue pas trop au Casino. Pas le Casino Bellagio. Non, effectivement. Non. Malheureusement. Il existe vraiment ce casino d'ailleurs, au passage ? Oui, apparemment. J'ai l'impression. Oui, il existe. Parce que ça sonne bien comme nom d'un casino. Le Bellagio, oui, il existe. Et aussi comme un restaurant ou hôtel restaurant, le Bellagio, tu vois. Ça sonne bien un peu italien, je crois. Bah, ouais, pour le coup, oui, ouais. Ça c'est sûr. Mais ça sonne bien. Ouais. Mais sinon, j'ai pas parlé dans ma chronique du doublage, mais Andy Garcia qui joue Terry Benedict est doublé par Bernard Gabay, j'en avais parlé la semaine dernière, puisque c'est le doubleur officiel de Robert Downey Jr. D'accord. Iron Man. Oui. Oh. Ah, c'est lui. J'ai pas reconnu sa voix. Oui, c'est lui. Ah, okay. Oui, c'est sa voix. Ouais, moi par contre, dès qu'on me parle de quelqu'un de Marvel, je. Ouais, moi aussi. Hein, tout de suite, ça fait. Ouais, tu, vois, tu me dis Mark Ruffalo, moi je vois Hulk. C'est... Ouais. Bon, et si je te dis Joaquim Carude, tu connais? Ah non, là, pas du tout. Non, pas du tout. Tu vois pas? Ah, quelle transition. Si, mais si, je le vois. Si, J'arrive de mieux en mieux ou pas, t'as dit mais ouais, c'était magnifique. C'est le fait que tu sois là, man. Transaction. Dans cette transition, là, mais bon, donc, ouais. Comme on est dans un truc de braquage, oui. C'est, bah, on ouais, c'est le mode transaction. Joachim Carude qui nous interprète Rock Angel. Jusqu'à 23h, décryptons ensemble le cinéma. Bienvenue sur Indestar. Et bienvenue bah, dans la dernière partie de Krypton. Oui. D'ailleurs, j'ai une petite question. Oui. Ça me fait longtemps que je me pose. Pourquoi Krypton ? Je l'ai pas dit. Je sais pas. Bon, tu peux le justifier. Je sais pas si tu l'avais dit. Ouais. Alors, j'aime beaucoup l'émission Chroma présentée par Karim Debbiche, Kamel Debbiche et Kamel Debbiche. Kamel Debbiche. Alors, bah, il tire son nom d'un des éléments du tableau périodique des éléments, le chrome. Le chrome. D'accord. Et moi, bah, j'ai cherché un nom aussi qui est dans ce tableau. Et il y a Krypton. Comme, ça existe vraiment. Comme la planète de Superman. Ouais, bah, et ouais. C'est là aussi une des références de Superman. Parce que moi c'est ce qui m'a, parlé tout de suite, Krypton à Kryptonite. Exactement, bah, ça en fait référence. Exactement. Enfin, Théo, pardon. Ah, une autre idée, lui, enfin, désolé, je l'ai coupé. Lui, c'est Décrypton. Ah oui. Lui, c'est ça la référence. Non, ça venait pas de là. Ça vient de ce tableau des éléments et de la planète de Superman. Chacun se fait son idée. J'allais juste dire chroma, en fait, c'est aussi la contraction juste de chronique cinéma. Oui. Donc il a pris le cro et le ma et ça fait. Bah, moi j'ai pensé au. Je pensais au chrome. Oui, je comprends aussi. Il y a ça. C'est beau quand c'est chromé. La réponse te plaît. Ouais, oui. Franchement. Ouais. Okay. Bah, on peut passer à la dernière partie de l'émission qui consiste au point actu, donc les sorties du mercredi. Jingle. Donc mercredi, qu'est-ce qui est sorti ? Bah, y a Darkwater qui est sorti, réalisé par Todd Wayne avec Mark Ruffalo. Hulk. Anna Taway et Tim Robbins. Donc une sale affaire, quoi. J'en sais pas plus que ça. Moi j'y vais pour Anna Taway. Ah ouais. Oui, Anna Taway. Sinon, bah, on a le remake d'Invisible Man, réalisé par Lake Whannell avec Elizabeth Moss, qui est l'héroïne de la série The Handmaid's Tale. Mm-hmm. Tu l'as vu celui-là ou pas du coup ? Invisible Man. Ouais. Non, je n'ai pas l'intention de le voir puisque ça a l'air d'être un mauvais remake, même si j'aime beaucoup Elizabeth Moss. Mais moi je vous conseille de regarder la version de 1933, qui est le Dark Universe. 1933 ouais. Oh, ah, le Dark Universe, ouais. Ouais, mais c'est vraiment les effets spéciaux restent bluffants. Ah ouais ? Oui, même pour un film de 1933. C'est un noir et blanc du coup ? Oui. Ouais, okay. Noir et blanc et bluffant. Voilà, donc Dark Universe, donc. Invisible Man, les vampires, Dracula, le loup-garou, Frankenstein, c'est ça qu'on appelle le Dark Universe. D'accord. Et sinon, bah, un dernier film qui est sorti mercredi, Mes jours de gloire, un film de Antoine de Barry, avec Vincent Lacoste, Emmanuel Deveau et Christophe Lambert. Voilà. Ouais, Christophe Lambert, ça me parle. Christophe Lambert, ouais, c'est le dernier Highlander. Ouais. Ah, okay. Il ne peut en rester qu'un. Et au final, si on a vu, il y a des suites, il en restait pas qu'un. Highlander. Ah, finalement, il y a Zeist. Zeist. voilà, on a bien notre référence de Chroma. Chroma. un bel avis. Bientôt, il y aura des références de Krypton. Oui, j'espère. Il y aura... Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Exact. Je savais qu'il allait faire. Exactement. Voilà, sinon, je vais vous demander de nous faire partager un film qui vous a marqué. De cette décennie, par exemple. De cette décennie ? Wow. Ouais. Ah ouais, là, ça vous tombe dessus, vous y attendez pas. Contrôle surprise. Oh mon dieu, ouais, c'est ça. Vous savez vos notes ? Un stylo, une feuille et. Contrôle. C'est parti. Ok. Allez, mon nom. Je sais plus. Au début de l'émission, je vous ai demandé le dernier film que vous ayez vu. Bon, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous un film qui vous a marqué, qui est pas forcément très connu. Qui est pas forcément très connu. Ouais. Là, ça va être compliqué. Ah si, j'en ai un. J'en ai un. Vas-y. Mais je connais pas exactement le nom. Faudrait que je monte à Thomas. Ouf. Ah, même moi, je le vois pas. J'ai un doute. C'est vraiment du space. Hein. Oui. Alors, c'est un film. Bah, on va jouer un petit jeu. Allez. Vous allez essayer de deviner de quoi je parle. C'est parti. Dans ce film, on voit un mec qui va rencontrer une nana qui fait partie d'un groupe bizarre de gens qui s'habillent en couleurs. Genre, il y a un groupe de vert, il y a un groupe de jaune, il y a un groupe de bleu. Et en fait, il correspond à des émotions ou des sentiments. C'est vice versa, ça, c'est Pixar. Non, ça c'est beaucoup trop simple. C'est un nom à rallonge où que dedans il y a une vieille dame qui est très connue. les cheveux blancs. Ouais, d'accord. Les cheveux blancs. Voilà, je vous aide beaucoup. C'est pas très précis. Des couleurs, est-ce que c'est des émotions. C'est glauque. C'est vieux. Non, c'est pas si vieux que ça. J'ai été voir au studio à Tours, donc ouais. Un cinéma où ils montent des films plutôt d'auteur. De genre. Plutôt, ouais, voilà, de genre. R&D. Oui. Et là, c'était ce genre de truc. Ouais, totalement. Okay, j'ai rien pigé. Qui te met mal à l'aise. Je vais être passé à côté, moi. Bah, c'est je sais pas, mais. Sûr. J'ai rien compris. Okay. J'ai rien compris. C'était trop. Il y avait des couleurs partout. À un moment, c'était. Genre, t'avais l'impression que c'était des hippies qui fumaient trop de drogue. Ah ouais, okay. Genre, faut fumer avant de regarder le film, limite, quoi, non. Oh, ça peut être une bonne idée. Peut-être qu'on comprendrait mieux. D'accord. Et bon, après, plus tard, il va découvrir qu'il y a une nouvelle couleur qui est apparue, les verts. Ça me dit quelque chose, mais alors là, je pourrais pas te. Alors, moi, j'aime bien ce genre de truc où il y a des. Un peu, pas des castes, mais des groupes rattachés à une couleur ou une émotion. Des sectes mais... ou je sais pas quoi. Un peu ce genre de truc, mais j'avoue que là, ça me parle pas du tout. Je suis passé totalement à côté de ça. Je suis désolé, je peux pas t'aider. Franchement, demandez à Thomas. Il fait Indé Comics sur Indestar. Il a une petite rubrique sur Indestar.fr. C'est une semaine sur deux. Une semaine sur deux. Ah, ça a commencé pas déjà. Oui, je crois que ça a commencé. Ouais. Et du coup, il suffit de lui demander, ou quand on le verra dans une émission, on lui demandera ce que c'était le titre de ce fameux film Trop Space qui m'a marqué à vie. Je précise, j'ai regardé encore des images dans la tête des fists. Parce qu'il y a des filles qui fistent des gens. Wow. Ah merde. Ils trouvaient ça normal. Enfin, c'était même pas sexuel. Genre, c'est des Human Centipede. Non, oui. Ça, c'est de la rigolade. C'est pas un film tout public, j'imagine, du coup. Je pense que si, il est assez ouvert parce que c'est pas non plus du gore ou du porno. Tu vois pas. S'ils font des fistes. C'est pas explicite. Tu vas le voir en fait qu'elle va se diriger dans son cul, mais. Ouais. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Vous avez dit la phrase ou vous l'avez entendu ça? Je l'ai entendu. Ouais. Mais voilà. Je peux pas vous dire le nom. Il est trop long, il est en anglais. Ah merde. Okay. Compliqué, ouais. compliqué. Bon, Jolan ou Idriss, un film que vous voudriez recommander? Jolan, à toi l'honneur, je parle souvent. Ouais, je suis dans la merde de ce que je dis. Bah, moi je vais juste vous recommander un autre film réalisé par Steven Soderbergh qui est sorti l'année avant Ocean Eleven, qui est Erin Brockovich avec Julia Roberts comme actrice principale. Okay. Super film. Ouais. Une femme très très forte qui a son indépendance et qui cherche du travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et qui, par malchance, se fait percuter en voiture par un gars qui a grillé sa priorité. Rire, non. Peut-être. Est-ce que j'ai dit le mot percuter, peut-être? Non, je ne sais pas. C'est que t'es lié à un côté un peu sadique. Ouais. Ah, voilà. Donc, et finalement, elle va perdre ce procès contre le gars qui est rentré dedans en bagnole. En plus, alors là, Teddy, il a envie de taper une énorme barre. Là. Une énorme. Et moi, j'étais vraiment enragé quoi, contre cette injustice. Mais finalement, elle arrive à se relever et. Enfin, je vous laisserai aller voir le film. Fuck les injustices. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de Julia Roberts, dans Ocean 12, enfin, du coup, celui que j'ai vu, elle joue le rôle de Julia Roberts à un moment. Oui. Je trouve ça vachement drôle. Ah, là, on en parlera parce que peut-être qu'un jour, on passera à la suite Ocean 12 dans Krypton. Il y a Bruce Willis aussi qui apparaît. Ils jouent leur propre rôle. Oui. Ouais, je trouve ça marrant les films qu'il y a des acteurs. À un moment donné, t'as Catherine Zeta-Jones qui demande une signature. Oui. Enfin, un autographe. C'est pas de la main gauche. Oui, c'est de la main gauche normalement, Julia Roberts. Mais du coup, tu la vois changer de main et tout. Ouais. Ça fait un petit clash. Elle est au téléphone avec elle-même aussi, en parlant d'une couverture. Enfin, c'est ça. Extraordinaire. C'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, j'adore. Je trouve ça super drôle. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, ça aurait été l'adaptation minable qui a été faite de Green Lantern. Voilà, parce que moi, Green Lantern, c'est mon super-héros DC Comics préféré. Et j'ai pas regardé les dessins animés. J'ai regardé les dessins animés. Ouais. Heureusement, puisque ça rattrape quand même pas mal. Il y a eu des très bonnes versions animées, mais le film est, excusez-moi, hein, mais médiocre. Enfin, c'est une adaptation médiocre. Oui. Je suis bien d'accord avec toi. Et ça me rend très très triste parce que c'est un héros que j'affectionne et même si visuellement c'était plutôt convaincant. Déjà c'était pas assez long et ensuite c'était pas assez. Je crois qu'il dure une heure et demie. Ouais, il dure une heure et demie et vraiment développé de son voyage initiatique jusqu'à Oa. Bref, c'était fait trop à la va-vite. Voilà. Ouais. Il y avait c'est plus un film à qui prend pas son temps. Voilà, il y avait plus à développer en plus avec Sinestro. Je crois qu'il y avait presque même un cliffhanger à la fin. Je ne suis pas sûr, mais ils ont mal amorcé le truc sur ça, un cliffhanger. Quand tu mets du suspense à la fin pour annoncer la suite, genre tu laisses un héros qui remonte d'une colline où tu vois juste sa main qui s'agrippe et hop, ça c'est un cliffhanger. Il y a le film Cliffhanger aussi, un film des années 80 avec Stallone. Exact. Voilà, c'était juste ça. J'étais en colère, voilà, c'était mon coup de gueule. Je crois que je me trompe pas en disant que même Ryan Reynolds a du mal avec ce film. Oui, je pense. Ah oui, parce qu'il s'en moque très ouvertement dans Deadpool 2. Tellement. Il faut que je voie Deadpool 2 du coup. Totalement. Ah oui. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais, bien aimé Deadpool en plus. Même un 3, en vrai, ça passe. Tant qu'il fait des bonnes vannes et tout. Ça va y en avoir, ouais. Il va y avoir la suite. Jolan, moi, j'ai franchement. Non, je. Non, aucun, okay, c'est pas grave. J'en ai pas. On l'a trop pris au dépourvu. Surtout de cette décennie. Puisque c'était dit dans la bande-annonce au début, regardez quelques films de Steven Soderbergh comme Traffic, avec Michael Douglas et Don Cheadle. Parce que c'est un de ses acteurs favoris à Steven Soderbergh. D'accord. Voilà. Tu vois qui c'est Don Cheadle? Je te dis le nom. Mais c'est War Machine dans. Ah oui, oui. Dans le MCU. Ah putain, oui, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est pas grave. Mais oui, ah oui, c'est un de ses acteurs, d'accord. Ouais, je l'aime bien en fait en Captain Rhodes. Je trouve ça c'est marrant. Ouais. Très convaincant parce qu'il l'a remplacé. Oui, dès le deuxième. Oui, c'est ça. Dès le deuxième parce qu'il s'entendait pas avec Robert Downey Jr., le tracteur. Ah bah d'accord, moi j'avais regretté dans le deuxième de voir le premier disparaître parce que je sais pas, je le préférais, j'avais été plus convaincu. Moi je préfère Don Cheadle. Mais je me suis plus habitué à Don Cheadle par la suite que je trouve vraiment plus attachant. On voit pas ce premier acteur dans la suite. Je l'ai même pas calculé en vrai, le premier. Pour moi c'était genre un figurant. Il est là, il a sa petite moustache, il est un peu plus clair de peau. Il s'appréciait pas plus que ça. C'est ça, en dehors du tournage. Mais il est même pas du tout en War Machine dans le 1 encore, non, du tout, c'est juste pas du tout. C'est juste Rod. Le colonel Rod. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc exactement. C'est mieux dans le 2 quand tu tiens War Machine. Mais moi je trouve qu'il a un très bon rôle dans Ocean Eleven. Ça va. Ouais. Je trouve je l'aime bien aussi. C'est convaincant et assez drôle. Oui. Oui carrément. Je trouve que ça lui colle bien. Oui. Voilà. Il a un physique sympathique aussi. Bon. Bien, c'est tout. J'espère que ce film vous donnera l'envie de regarder la suite des Ocean. Regardez Ocean le 2, 12, hein, ouais, sorti en 2004, et le Ocean sorti en 2007, où il y a l'apparition de Al Pacino. Et il y a Ocean's 8 aussi, si vous voulez. Mais on n'en parlera pas. C'est pour les gens. Ça, c'est vraiment c'est si, vous avez, si vous avez envie. Hein. Si vous avez vraiment regardé tous les films du monde, hein, regardez celui-là. Même Dragon si vous Ball avez du même Dragon Ball Evolution. Même Dragon Ball Evolution. Oh merde. Aïe. On l'a dit, ça fait saigner les oreilles. Ou si vous avez du temps à perdre, tout simplement, pour Ocean 8. Voilà. Bon bah merci d'avoir été avec moi les gars, ça me fait très plaisir. Idriss, toi, parce que c'est ta première, mais en même temps ta deuxième, parce que tu as participé à l'épisode pilote de cette émission. Exact. Ah oui, c'est vrai que moi, je me suis vraiment mis là, ici, comme si j'étais un habitué, mais... Ouais, mais là, c'est la première fois qu'on va m'entendre. Bonjour, j'ai fait l'épisode pilote. Non, mais tu es, bah, pour le dire, tu es à l'escate avec moi. Exact. À l'école de cinéma. Un collègue. Voilà. Mais en tout cas, merci en tout cas d'avoir été avec moi ce soir pour Krypton. Jolan, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre film à découvrir. En attendant, bah, vous avez le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes pour écouter et partager l'émission. Et on vous souhaite un bon week-end et on vous fait plein de bisous. Bisous à toi, Gaëlan. Bisous, salut. Bisous, Idriss. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.